No Farm Grooves Éclectique, présenté par la Société des Ambianceurs. Tous les lundis sur radioUsine.net à partir de 19h. Tous à ce 69e épisode du désormais très célèbre No Farm Grooves Eclectic Show, toujours présenté par la Société des Ambianceurs. Le docteur Pili Pili est le fils de Bizet de France, mais ce soir simplement Petit Bizet. Nous sommes partis ce soir pour notre deuxième et dernier segment dédié à Sam Mangwana. Un deuxième segment un peu plus rythmé, un peu plus cuivré, un peu plus poivré même, je dirais. Avec toujours l'African All-Star, l'International Mangwana et bien sûr l'orchestre tout-puissant OK Jazz du regretté Franco Luambo Makiadi. Voilà, j'espère que vous avez d'une part apprécié comme il se devait le premier épisode et l'émission de la semaine dernière qui était dédiée à Taboulé. J'espère que vous apprécierez encore plus ce dernier segment, Sam Mangwana, toujours meilleur. Voilà, avec la Société des Ambianceurs, on entre OK, on sort KO. C'est parti avec Sam Mangwana et son ensemble, la track Mobambu. Zalina katoza yoko kwe sandeke Na sambe la kakanzambe kinyo yoko la Na sambe la kakanzambe usili sake lasi Baboti basepela baboko imwana Mobangu mbana kobalate Mobango zalina nulekie yoko atoli Mobango zalina nulekie kebalavi Mbamesevese koe la kaye okeba Sili sake la sienga na koze la yo Zalina nule kie yo katoli Mobango zalina nule kie keba la vi Mbame sede seko elaka yo keba Sili sake la sienga na koze la yo Lale mbinga inamboni Sili sake la sienga na koze la yo Oh yo mobangu mama Sili sake la sienga na koze la yo Ooh,

faut ouvrir les yeux. Attention, attention, ça va chauffer. C'est très simple, on danse avec la musique, on danse avec le tout puissant Ok Jazz. Du grand maître Luambo Makiadi. Exactement. Yeah, attaquez. Peuple, il compte à mes I konta pa palabre Daina oke jazz Ezali seli sanoe Tobongi sa miziki ambokae Progre na miso mokoe Anga mangwa nae Eme zali ma bemingyo Ya ya Tayo na kufa pambae Otongo e Thank you. pamba e odongo e Yo bebé, bebé oh, oh. danse, façon moi je t'aime, cousine. Ah, j'ai perdu la tête à cause de ton intimité. Samedi, je t'invite pour aller danser, danser. Ne refusez pas, chérie, sinon je mourrai. Tout le monde se demande pourquoi j'aime toi comme ça. Ça dépend de mon thème, c'est lui qui commande les bolivos. Tout le monde se demande pourquoi je mets toi comme ça. Ça dépend de mon thème. C'est lui qui commande les bolivos. Oh maman, c'est lui qui commande l'amour. na mokili soki obotami ozali mobali esengeli yo mona mpasi pamba te ntango mosusu obotami okanisi okozwa bolamu esika baboti yo zoka nde okoluka oluki oluki mpo vine kozwa bachance ekeseni lokola mwana mobali oyo dizi ndenge akomi kozwa mikanda boye ezali mawa mingi otika mwasi yo obali okoya kosala mosolo na kati ya mboka ya bato mosusu ezali mpasi mingi pamba te ye azali mosali monene mobeti monene na lindanda na kati na Kinshasa Fatigué, ngaina zonga mboka, mama. chérie, donnez-moi petit congé. Après congé, moi parti travailler. Jamo, jamo, eh. Jamo, jamo, eh. Envoyant thank you. L'amour c'est dur de Et depuis que je suis devenu demi-célibataire, je suis tout le temps chez Mamie Ndolé. C'est malheureux, hein? Il faut le faire. Volume 2. J'ai tenté.